الله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنكمل إن شاء الله تعالى موضوعنا فضل العلم ومن آداب طالب العلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ونسيت شيء مهم جدا ف une chose qui est très importante que j'ai oublié de citer dans le premier cours de cette conférence qui est le fait d'apprendre sur les livres et les causes du fait d'apprendre sur les livres, sur l'interdiction d'apprendre seul sur des livres, elles sont nombreuses. Et parmi ces causes, c'est que lorsque l'étudiant en science va vouloir apprendre seul sur les livres, il se peut qu'il va lire le livre et va le comprendre à sa façon à lui, pas à la façon de l'auteur du livre. Il se peut qu'il comprenne lui-même de sa façon à lui et qu'il ne comprenne pas à la façon dont l'auteur du livre veut lui faire comprendre. Également, il se peut qu'il y ait un livre d'une personne qui est munharif, une personne déviée, qui a peut-être une croyance déviée dans l'islam, une voie qu'il a pris qui est déviée, sans qu'il ne le sache. Ou bien, il se peut également qu'il lise le livre, et ce livre est fait par une personne parmi les gens de l'innovation. Donc tout simplement, ces trois causes-là, elles suffisent pour montrer l'interdiction d'apprendre sur les livres, seul, sans les savants. On avait dit que les livres, ce sont des osaï, ce sont des moyens, ce sont des rappels. On ne dit pas que c'est interdit de lire un livre seul comme ça pour profiter. On dit que le fait d'apprendre la science religieuse en elle-même sur des livres tout seul à la maison, c'est cette façon-là qui est non louable. أكذلك من أصول طلب العلم أن طالب العلم قلنا فيما سبق أن طالب العلم لا يقتصر على فن واحد كأن يقتصر على فن في الفقه أو يقتصر على فن الحديث أو التفسير وإنما يأخذ من كل علم بمختصر مفيد لأن العلوم قلنا يرتبط بعضها ببعض فلا بد أن طالب العلم أول شيء يقرأ القرآن الكريم هذا مهم جدا يقرأ القرآن الكريم ويحفظ القرآن أو يجيد تلاوته من غير حفظ على كل حال الأساس هو كتاب الله جل وعلا ويقرأ ما تيسر من تفسير القرآن الكريم تفسير ابن كثير تفسير ابن السعدي مثلا حتى يفهم الآيات ولا يقرأها على نفسه وإنما يقرأ على أهل العلم وأهل التفسير يتلقى التفسير عن المفسرين المعروفين بذلك. Et comme nous avons cité auparavant, parmi ces bases, l'étudiant, il ne doit pas se prendre et se limiter à une discipline, à une science. comme par exemple en se limitant à apprendre la jurisprudence, ou bien le hadith, ou bien le tafsir, ou bien comme certains font, et ça, sans aucun doute, ça fait partie des erreurs, de dire qu'il se limite qu'au Coran, qu'au hibr du Coran, que à la mémorisation du Coran, tout en délaissant toutes les sciences. Et la plupart des personnes qui ont fait ça, ce sont des personnes qui se sont déviées. Celles qui ont dit qu'ils n'avaient pas besoin d'aller apprendre chez les savants, chez les gens de science, pas besoin d'écouter les cours des gens de science, et ont dit également que la mémorisation du Coran était la plus importante, et qu'ils se limitaient juste à ça. Au contraire, l'étudiant en science, il doit prendre toutes les sciences, toutes les disciplines de cette religion, de la jurisprudence, dans le Coran, dans la langue arabe, dans l'interprétation des sens des versets, connaître ce qu'il est en train de lire, comprendre ce qu'il est en train de lire. Tu lis le Coran, comprends. C'est une moussibe, la personne qui lit le Coran et qui ne comprend pas. Comment veux-tu que l'humilité dans ta prière puisse te parvenir? L'étudiant en science, il doit prendre toutes les disciplines en un résumé, un résumé profitable de toutes les sciences. Et ça, beaucoup de savants ont donné énormément d'importance à ces choses-là en écrivant des livres, des résumés de livres dans l'aqid, le tawhid, le fiqh, la langue arabe, le tafsir. Pourquoi? Parce que la science, elle est liée à l'autre. Également, on a cité que l'étudiant en science, il doit absolument, premièrement, lire le Coran et le mémoriser. Ou bien, savoir le lire et le réciter, même sans mémorisation. Essayer de faire des efforts en lisant le Coran et en également en comprenant les versets qui sont lus. Parce que la base, c'est le livre d'Allah Azza wa Jal. Et on a dit que la meilleure des paroles, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et également, l'étudiant en science, il lit ce qu'il peut de l'interprétation du sens des versets du Coran. En allant, bien sûr, comme on l'a cité, aller chercher l'interprétation de ces sens dans des livres de tafsir. Mais pas n'importe quel livre. Pas des livres de tafsir qui demandent déjà des bases, qui demandent des bagages dans la religion. Des livres de tafsir qui sont accessibles, abordables, qui sont simples, qui sont résumés. Et des livres de tafsir, walillah alhamd, il y en a beaucoup de savants. Les mufassirines, ils ont classifié, on peut dire ça, fait des livres sur la science du tafsir, comme l'imam Ibn Kathir, l'imam Ibn Sa'di, rahimahumullah, et d'autres. Et tout ceci ne se fait pas seul. Il ne doit pas se faire seul, mais il doit lire tout cela chez les savants, chez les gens de science, chez les interprétateurs du Coran connus pour cette science. ثم أيضا يقرأ الحديث يقرأ في الحديث حفظا وفهما وعلى أيدي العلماء الحديث علماء الحديث المعروفين به ثم أيضا يقرأ في الفقه والفقه هو الأحكام المستنبطة من الكتاب والسنة. هذا هو الفقه، الأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنة. يقرأ أيضا في كتب النحو، لأن القرآن والسنة نزل بلغة العرب، فلا بد أن يقرأ في النحو حتى يعرف معاني الآيات والأحاديث، ويعرف أيضا ضوابط الكلام من ناحية اللغوية حتى يسلم من اللحن والخطأ. ولأن علم النحو يعين على فهم النصوص، كذلك كل فن له أصول وقواعد، كل فن له أصول وقواعد. هناك في الحديث مصطلح الحديث، ضوابط الحديث الصحيح من الحسن، الحسن من الضعيف، الضعيف من الموضوع. لا بد أن تعرف ولو مختصرا في مصطلح الحديث، كذلك لا بد من مختصر في أصول الفقه وقواعد الفقه. تقرأ على عالم من علماء الأصول، كذلك لا بد من مختصر في أصول التفسير، لأن التفسير له أصول وله منهج، وهذا ما يسمى بأصول التفسير. فتقرأ في أصول التفسير من المختصرات في ذلك. هذه مفاتيح العلم، والعلم يؤتى من بابه لا يؤتى من فرعه. قال جل وعلا: وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. العلم له أبواب. Ensuite tu lis, ou bien l'étudiant science, il lit le hadith, il le lit, il le comprend, en le comprenant et en le mémorisant. Chez les savants du hadith, ceux qui sont connus pour cette science, il lit ensuite dans la jurisprudence. Et la jurisprudence, ce sont les règles relatives au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lit également dans les livres de grammaire, dans la langue arabe, pour savoir, lorsqu'il lit une phrase, de qui il est question. Car le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été révélés en langue arabe. Il faut absolument lire et assimiler cette science pour pouvoir comprendre le sens des versets et des hadiths. Et la langue arabe, barakallahu fikum, elle s'obtient également en la recherchant et en faisant les efforts pour l'apprendre. Et de parler également entre vous avec cette langue qui est vaste. En parlant entre vous avec la langue arabe, surtout ceux qui la comprennent et qui la lisent. Ceux qui la lisent et qui la comprennent n'ont pas parlé en une autre langue que l'arabe. Comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit dans Majmou' al-Fatawa, ceci n'est pas permis. Mais il y a également une chose à citer qui est très importante. C'est si une personne débute et apprend la langue arabe, qu'elle parle en langue arabe, quand bien même elle ferait des erreurs, des fautes. C'est en faisant des fautes qu'elle avancera. Ça, beaucoup de savants le conseillent. Également, lorsque Sheikh Maher bin Dhafir al-Qahtani, hafidhallahu ta'ala, est venu dans votre ville à Saint-Étienne, lors du séminaire de 2011, il a conseillé aux frères de parler avec la langue arabe. Quand bien même il y aurait des erreurs, des fautes qui sortent de la bouche de celui qui s'exprime avec cette langue. Et ne pas croire que si on fait des erreurs, c'est une honte ou quelque chose comme ça. Et quoi, on lit le Coran. On lit le Coran et on voit dans le Coran qu'Allah Azza wa Jalla nous dit, par exemple comme dans Sourate An-Nahl, وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. Allah est celui qui vous a fait sortir des ventres de vos mères alors que vous ne savez rien. On est tous nés comme ça. Toutes les personnes ont appris. Et tous ceux qui ont une science, que ce soit une science religieuse ou une science parmi les sciences de cette vie mondaine, ont été recherchés cette science. Ils ont fait des efforts pour l'apprendre. Et ce qui est le plus malheureux aujourd'hui, c'est de voir des personnes comme Al-Bengaliyin, Al-Pakistan, Al-Hunoud, ces gens-là, d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, lorsqu'ils viennent travailler dans les pays arabes, quand ils viennent travailler dans les pays du Golfe, ils viennent travailler pour pouvoir subvenir à leur famille. Ils viennent là-bas, par exemple, ils viennent en Saoudia, la majorité d'entre eux ne viennent pas pour la science, ils viennent pour gagner leur vie. Et ils font des efforts énormes, certains d'entre eux, pour apprendre la langue arabe, alors que c'est pour les biens de cette vie mondaine. Comment alors nous, pour la religion d'Allah, pour apprendre la religion d'Allah, pouvons-nous être négligents et insouciants face à cela? Mais aussi, c'est apprendre, il faut absolument lire, essayer de lire avec la langue arabe et savoir les termes linguistiques afin que l'étudiant en science il soit épargné de la cantilène et des erreurs, et parce que la science de la grammaire elle permet de comprendre les textes. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne suffit pas que la langue arabe. Même l'arabophone, lorsqu'il va lire le Coran, il a besoin d'une autre science pour pouvoir comprendre le Coran. Quand bien même il parle et lit en langue arabe, il a besoin également du tafsir pour comprendre le sens, l'interprétation du sens des versets. Donc chaque discipline, chaque science, elle a des fondements et elle a des bases. Comme dans le hadith, il y a la science du hadith et des règles. La science du hadith, des règles. L'authentique, le hadith authentique du bon, Al-Hassan. Al-Islah, Al-Tirmidhi, Khas. Qui a rendu le hadith Hassan. Également, Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh, a rendu le hadith Hassan. Le bon du faible. Le faible du hadith inventé. Ça, il faut absolument que tu saches ceci, quand bien même avec un résumé de cette science. Un résumé de la science du hadith. Aussi, il te faut un résumé dans la jurisprudence. Dans les bases de la jurisprudence. Également, cette science, c'est une science qui est vaste, où il y a beaucoup, beaucoup de divergences entre les savants sur ces premières portes. comme les ablutions, la prière. Il faut que tu prennes un résumé de cette science-là et des bases de cette science, les bases de la jurisprudence. Et je le cite, et je cite comme j'ai cité dans le premier cours de cette conférence. La gravité de ce que font certains frères dans les mosquées, en apprenant des livres dans la jurisprudence qui sont détaillés, qui sont soutenus, alors qu'ils n'ont pas commencé avec les bases de la jurisprudence. Et ces frères-là ne profitent en rien de ce qu'ils apprennent. Ils ne profitent pas parce qu'ils ne sont pas passés par le chemin que tout étudiant en silence doit emprunter. Et c'est pour ça que chaque année, les mêmes problèmes y reviennent à chaque fois. Et c'est une preuve que les gens n'avancent pas. Chaque année, c'est toujours les mêmes problèmes. Comme certains citent dans Zakat al-Fitr, Zakat al-Mal, dans Ramadan, Tarawih, Tahajjud. Donc si le musulman il prend le chemin authentique de celui qui veut apprendre la science religieuse, quand bien même il avance petit à petit, il avancera plus vite que celui qui va avancer très vite et qui ne prend pas le chemin qui est demandé. Combien de personnes sont rentrées et ont voulu rentrer très vite dans la religion et ils sont ressortis plus vite que quand ils sont rentrés? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas rentrés par leur porte. La science, elle a des portes. La science, elle a des portes. Et également la science des fondements du tafsir. Il te faut un résumé. Tu liras dans les fondements du tafsir des résumés à travers cette discipline. Et c'est pour cela qu'on l'appelle fondement du tafsir. Et tout ce que l'on a cité dans les tout ce qu'on a cité là depuis le début de cette conférence, ce sont les clés de la science. Ce sont les clés de la science. Il te faut absolument ces choses-là pour avancer dans la science. Il te faut absolument prendre ce chemin-là pour avancer dans la science. Et la science, elle se prend, comme on l'a cité, par sa porte et non pas par ses branches. Comme Allah Azza wa Jalla l'a dit dans Sourate Al-Baqarah, le verset 189. Ce n'est pas un acte de bienfaisance que de rentrer chez vous par l'arrière des maisons. Mais la bonté pieuse, elle consiste à craindre Allah. Entrez donc dans les maisons par leurs portes. Entrez donc dans les maisons par leurs portes. La science, elle a des portes, ayyuhal ikhwa. Aydan, fa kullu ilmin lahu bab, labudda an tadkhul min hadha al-bab. Wa hadhihi al-abwab hiya al-mukhtasarat. والحمد لله العلماء رحمهم الله اعتنوا بهذه المختصرات فاختصروها للطلاب وضبطوها نظرا ونظما حتى تحفظ وتشرح لهم على أيدي العلماء وهذه العلوم مترابطة كما ذكرنا علم الفقه مرتبط بعلم التفسير وعلم الحديث وعلم النحو فهي مترابطة كل علم مرتبط بالعلم الآخر فلذلك لا يقتصر طالب العلم على فن واحد. C'est également c'est très important. Chaque science qu'on vient de citer a des portes et il faut absolument que tu rentres par ces portes. Et ces portes, ce sont les résumés. Ce sont les résumés des disciplines, des sciences que l'on a citées. Que tu prennes de chaque science un résumé. Et les savants, ils ont toujours mis de l'importance aux résumés, en les expliquant avec des paroles claires, courtes, concises, pour que les étudiants, ils les mémorisent et ils les comprennent auprès d'eux. Et ces sciences, elles sont liées, comme on l'a dit auparavant, la science du fiqh, la science de la jurisprudence est liée à la science du tafsir, du hadith, de la grammaire. Chaque science est liée intimement avec une autre. Et c'est pour cela que l'étudiant, il ne doit pas s'en tenir à une science seulement. Et ça, c'est une réfutation pour ceux qui disent que c'est permis d'apprendre une science, comme le fait de faire que des efforts à apprendre le Coran, ou bien le tajwid, et à délaisser les autres sciences. وهذه المختصرات سهلة لمن وفقه الله وتدرج معها شيئا فشيئا على أيدي أهل العلم أهل العلم تكون الدراسة إما منهجية في المدارس والمعاهد والكليات على أيدي المدرسين وضمن المقررات الدراسية في كل فن وإما أن تقرأ على العلماء في حلق العلم في المساجد أو في دور العلم المعروفة العلم لا يطلب سرا العلم علانية ما يطلب سرا في جلسات يطلب سرا في الجلسات السرية أو يطلب في الاستراحات أو في أمكنة خفية وإنما يطلب العلم علانية ويستفيد منه الحاضرون من العوام وغيرهم فالعلم يعلن ولا يسر لأن الله أنزله للناس ولم ينزله لطائفة خاصة فلا بد من أن يكون طلب العلم علانية في المساجد أو يكون علانية في المدارس النظامية فهذه أصول طلب العلم Et ces résumés là ils sont faciles pour quiconque Allah facilite وكل عسير كل عسير إذا استعنت بالله فهو يسير Et toute chose difficile si tu t'en remets à Allah deviendra facile Ces résumés sont faciles pour quiconque Allah facilite. Et le musulman, l'étudiant en science, il avancera avec cela, petit à petit, et chez les savants. Soit en apprenant dans les écoles gouvernementales, où il y a des savants qui sont présents, dans des centres, dans des marakes, dans des écoles, des instituts, des collèges avec les professeurs, ou bien directement chez les savants, dans les assemblées de sciences présentes à la mosquée, dans les mosquées, ou dans les autres endroits connus pour la science. La science, elle ne se demande pas en secret, mais en public. La science, elle ne se demande pas en secret, mais en public. Il faut qu'elle soit accessible pour tout le monde, pas pour un groupe de gens. Elle ne s'apprend pas dans des assemblées secrètes, la science, ou dans des endroits secrets. Mais plutôt, la science, elle se demande dans des endroits qui sont des endroits publics où tout le monde pourra en profiter parmi les gens du commun qui sont présents. Également parmi les sœurs. Parce que beaucoup, malheureusement, de sœurs qui sont présentes dans ce pays, elles ne profitent pas de la science. Ni avec leur mari, ni dans les mosquées. Comment veux-tu ensuite que ta femme devienne une femme pieuse ? Comment veux-tu ensuite que ta femme devienne une femme pieuse et qui connaît les règles de cette religion, les règles relatives au Coran et la Sunna ? Et comme c'est dit, tu demandes à avoir une femme comme Aïcha, radiyallahu anha, commence à être comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en choisissant et en prenant le chemin que les compagnons ont pris avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la recherche de la science religieuse. Et la science, elle doit être annoncée et non pas cachée. Car Allah Azza wa Jal, il l'a révélée à tout le monde. Allah Azza wa Jal, il l'a révélée à tout le monde. et il ne l'a pas révélé pour un groupe précis. Donc tout ceci, ça fait partie de quoi ? Des fondements de la science religieuse. ويقول العلماء يقولون من ضيع الوصول حرم الوصول. إذا ضيعت هذه الوصول وهجمت على العلم هجوما من غير طريق فإنك تحرم إياه. من ضيع الوصول حرم الوصول. فيجب على طالب العلم أن يسير على هذه الوصول ويتلقى العلم من أصوله ومبادئه لا يتلقاه من فروعه، فإن هذا يضيعه ولا يحصل على شيء. كذلك لا بد لطالب العلم أن يصبر الصبر، لا بد لطالب العلم أن يصبر على مشقة الطلب وعلى طول المدة، يصبر ويسير مع طريق العلم ولو طال ولا يضجر ولا يمل. Et les savants disent que celui qui perd les bases sera privé de son accès. Celui qui perd ses bases qu'on a citées, il sera privé de l'accès à la science. Et ça revient à ce qu'on a dit juste avant cela. Combien de personnes ont voulu rentrer par d'autres portes que les portes connues pour apprendre la science ? Ils sont toujours restés comme ils sont aujourd'hui. Si tu délaisses ces bases, tu n'accéderas pas à la science et tu en seras privé. Donc il est donc obligatoire pour l'étudiant en science de suivre ses bases en recevant la science par ses bases et ses principes. Et il ne doit pas la recevoir par ses branches, car il va se perdre, celui qui fait ça. Il ne va rien gagner. Il va se perdre, mais en plus de ça, il ne va rien gagner. Également, l'étudiant en sciences, il doit patienter face aux difficultés et à la longueur du temps. À la longueur du temps, la science, tu lui donnes tout de toi, elle te donne un petit peu. La science, tu lui donnes tout de ton temps, elle te donne un petit peu. Et également, lorsqu'il patiente face aux difficultés de la recherche de la science religieuse, sur le fait de participer à des assemblées de science, s'asseoir comme ça, ça demande des efforts, ça demande de la patience. Et il faut qu'il sache, le musulman, l'étudiant en science, que lorsqu'il s'assoit dans une assemblée de science, parmi les assemblées de science, les anges demandent pardon en sa faveur. Les anges demandent pardon en sa faveur. Et il a des bonnes actions et des hadiths qui sont très nombreux sur cela. Hein? Oh. Il y a des anges qui parcourent la terre tout le temps, pour rechercher des cercles de science comme celui-ci. Et dès qu'ils en ont trouvé un, ils abaissent leurs ailes comme agrément pour ce que fait celui qui recherche la science. Et dans un autre hadith qui est dit ensuite, dans le sens du hadith, lorsqu'ils ont terminé, partez, Allah a certes changé vos fautes, vos péchés en bonnes actions. Il y a énormément de récompenses dans le fait de participer à des assemblées de science. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est une preuve également du mérite de la personne qui participe à ces assemblées. Et le hadith qu'on avait cité tout à l'heure, « وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا » Tu recherches l'amour d'Allah, sache alors dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit de la religion. Donc là, le musulman, il patiente. Et comment peut-il ne pas patienter lorsqu'il participe à des assemblées d'honneur comme ces assemblées-là? Alors que lorsqu'il se met devant une télévision ou sur l'internet, il peut rester des heures. Donc là, le musulman, il ne doit pas se mettre en colère et se fatiguer. Il faut qu'il sache qu'il est récompensé pour les efforts qu'il fait. Qu'Allah Azza wa Jal ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Wallahu la yudhi'u ajra al-muhsinin. Fala tay'as aw tastas'ib talab al-'ilm aw tastatil muddatah. Fasbir wa anta 'ala ajr. Talib al-'ilm تستغفر له الملائكة تضع له أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. Faut pas désespérer. Pas que tu désespères de la difficulté à acquérir des connaissances de la religion ou à la durée, même si ça prend du temps. Wallahul hamd. Comme on dit, comme il est dit, peu avec sincérité est meilleur que beaucoup sans sincérité. Ça, ça revient à la même chose également. On apprend peu, mais par ses portes, c'est meilleur que d'apprendre beaucoup et pas par les portes qu'il faut. C'est pour qu'il y en a qui va profiter un petit peu d'un livre qui est un livre qu'on a dit qui est soutenu, détaillé, mais il va profiter juste au moment où il va lire. Si tu te questionnes dans 2 jours, il va oublier. Donc là, alhamdulillah, lorsque tu patientes, tu es récompensé. Un étudiant en science, les anges, on a dit, ils demandent pardon à Allah pour lui. Et les anges, ils abaissent leurs ailes pour celui qui s'instruit, en signe d'agrément pour ce qu'il fait. Qala budda fi talab al-ilm min al-mushaqqa, qala budda min al-tahammul, qala budda min al-sabr. Kama qala l'imam al-Shafi'i, rahima Allah ta'ala, ومن لم يذق مر تعلم الساعة تجرع كأس الجهل طول حياته تجرع كأس الجهل طول حياته فعليك أن تصبر وعليك أن تواصل الطلب ولا تمل حتى تبلغ الغاية بإذن الله تعالى ومن سار على الدرب وصل ومن سار على الدرب وصل فهذه نبذ في كيفية طلب العلم ثم أيضا فيه ناحية مهمة تعينك على طلب العلم وتنمي معلوماتك وهي العمل العمل يا أيها الإخوة العمل بما علمك الله فكل ما تعلمت شيئا من العلم تعمل به حتى يزداد علمك وتكون فيه بركة ويكون فيه خير من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. Et là, la recherche de la science, elle se gagne avec difficulté, avec patience, avec courage. Et celui qui ne goûte, comme a dit l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, et d'autres, celui qui ne goûte pas à l'humilité de la science, un temps soit-il, goûtera certes à l'ignorance le reste de sa vie. Celui qui ne goûte pas à l'humilité de la science, un temps soit-il, goûtera certes à l'ignorance le reste de sa vie. Donc tu dois être patient, et tu dois continuer à demander la science. Jusqu'à atteindre le sommet, inshallah. Cette religion, elle est vaste. De jour en jour, tu apprends des nouvelles choses. Et quiconque emprunte ce chemin arrivera à sa destination. Quiconque qui va prendre ce chemin-là, il va arriver à sa destination, bi'idhnillahi ta'ala. Et ceci, est un résumé sur la façon de rechercher la science religieuse. Et aussi une chose importante également qui t'aidera à approfondir tes connaissances Cette chose-là, c'est les actes. Appliquer ce qu'Allah t'a appris. Appliquer ce qu'Allah t'a appris. Chaque chose que tu apprends, tu dois l'appliquer jusqu'à que tes connaissances augmentent. Et il y a là, il y a de là de la bénédiction. Il y a ici aussi un grand bien et de la sagesse. Quiconque applique ce qu'il a appris, Allah lui donnera une science qu'il ne connaissait pas. Et également une chose qui est très importante, Al-hikma fil da'wah. La sagesse dans la da'wah. Et une chose, malheureusement, lorsqu'il y a des problèmes dans des mosquées, elles sont dues en majorité à la hikma, à la sagesse, à la façon dont la personne s'y est prise pour réprimander une chose. Al-da'wah, ayyuha al-ikhwa, c'est une grande responsabilité. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan. Comme Allah Azza wa Jalla dit, sourate An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika, appelle au chemin de ton Seigneur avec bil hikmati wal maw'izati al hasana, avec bonne exhortation et sagesse. Al-jahil la yumkin an يدعو بالحكمة الجاهل لا ما يستطيع ينيرون يبقى بلاك سجس donc ça c'est une chose qui est très importante et de respecter la personne que tu as en face de toi. Il y a une sagesse à avoir avec selon chaque situation et selon les personnes qui sont en face de toi. Tu ne vas pas parler à une personne que tu connais très bien depuis des années comme tu vas parler à une personne que tu ne connais pas. Tu ne vas pas parler ou bien conseiller une personne de la même manière d'un jeune avec une personne âgée. Les personnes âgées, elles ont de l'expérience dans la vie. Toi, tu profiteras de leur expérience dans la vie. Et les jeunes, ils ont cette force, cette envie d'apprendre cette science religieuse. Donc ça, ce sont des choses qui sont très importantes. Et il ne faut pas négliger ces choses-là. Wallahu azza wa jal yaqul wattaqullah wa yu'allimukum Allah wallahu bi kulli shay'in 'alim. Fa 'alayka bil 'amal bima تتعلمه ولا تأخذ العلم وتخزنه بدون عمل إن هذا علم لا بركة فيه وهو حجة عليك يوم القيامة فعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر والناظم يقول وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن لأنه في يوم القيامة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم لا يعمل بعلمه هو أول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله فالأمر مهم جدا وعلى طلبة العلم أن يأخذوا العلم من أصوله ومبادئه ومن أهله وأن يعملوا به وأن يعلموه للناس وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ Allah Azza wa Jal, il dit dans Sourate Al-Baqarah, craignez Allah et il vous enseignera. Ça s'appuie notre parole qui dit que il faut appliquer tout ce que tu as appris. N'apprends pas pour stocker les informations, les bénéfices, la science que tu as reçue sans l'appliquer. Ça, c'est une science sans bénédiction. Elle ne te sera pas profitable. et elle sera contre toi yawm al-qiyam, le jour du jugement. Comme le Coran, ça revient à la parole qu'on a dit dans le premier cours. Certaines personnes apprennent le Coran et le mémorisent sans comprendre les sens. Il se peut qu'il fasse une chose, qu'il fasse le contraire d'une chose qu'il a appris dans un verset parmi les versets du Coran. Tout simplement parce qu'il n'a pas compris les versets qu'il a mémorisés. Et les hadiths, c'est la même chose. Donc le Coran, il sera avec toi ou contre toi, yawm al-qiyam. Il sera avec toi si tu l'as appris et tu l'as appliqué. Et il sera contre toi si tu l'as appris et tu ne l'as pas appliqué. Il servit aussi au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: Allah azza wa jalla avec ce livre en élève certains et en rabaisse d'autres. C'est pour ça que vous verrez certaines personnes mémorisent le Coran entièrement et Allah azza wa jalla il les rabaisse. Allah azza wa jalla il les rabaisse. Dans certaines mosquées, vous verrez des personnes qui ont des comportements ou bien qui font des actes dans l'islam, on ne dirait pas que ce sont des personnes qui ont lu le Coran et qui l'ont appris. Tout simplement parce que ce sont des personnes qui ont que donné de l'importance à la mémorisation, sans donner de l'importance à la compréhension et à l'application de ce qu'ils ont appris. Et une science sans acte, elle est comme un arbre sans fruit. Une science sans acte, elle est comme un arbre sans fruit. Et comme cela est dit dans un vers de poésie, وعالم بعلمه لم يعمل أن معذب من قبل عباد الوثن. Et ça, cette personne-là, elle sera le jour du jugement dernier le premier à être jeté en enfer sur son visage, comme cela est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les trois personnes qui seront jugées et qui seront jetées en enfer, parmi elles le savant, ou bien celui qui a appris la science religieuse pour autre qu'Allah azza wa jalla. Il a appris la science religieuse pour autre qu'Allah azza wa jalla. Son intention n'était pas sincère, bonne. Et Allah azza wa jalla lui dira: qu'as-tu fait du bienfait que je t'ai donné? Ce bienfait qui est la science avec laquelle le musulman il marche la nuit dans un chemin éclairé. Qu'as-tu fait avec cette science que je t'ai donnée? Il va dire: oh Allah, je l'ai appris pour toi et je l'ai enseigné pour toi. Il va lui dire: Allah azza wa jalla, tu as menti. Mais tu l'as appris pour qu'on dise de toi que tu es un savant. وَقَدْ قِلْ هَذَا فِي الدُّنْيَا. Et ils l'ont certes dit, c'est-à-dire dans cette vie mondaine, ils ont certes dit que tu étais un savant. Tu as gagné ce que tu recherchais. Tu recherchais les éloges des gens, tu recherchais la célébrité, tu l'as gagné dans la dunya. Dans la vie de l'au-delà, tu n'auras rien. C'est pour ça que la situation elle est extrêmement importante, elle est grave. L'étudiant en science il doit rechercher la science religieuse en commençant par ses bases et auprès des savants, tout en appliquant ce qu'il a appris et en apprenant aux gens ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a appris. Et Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Ali Imran, verset 187: Allah prie de ceux auxquels le livre était donné cet engagement. Exposez-le certes aux gens et ne le cachez pas. فعلى طالب العلم أن يعمل أولا بعلمه ثم يعلمه للناس وينشره في الناس. وفي الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وخير هذه الثلاث هو العلم الذي ينتفع به، لأن الصدقة الجارية التي هي الوقت قد ينقطع وقد يخرب، والولد الصالح يموت، لكن العلم يستمر نفعه لصاحبه، ما بقي علمه في طلابه وفي مؤلفاته يبقى علمه وهو ميت. فالعلم فيه بركة وفيه خير، لكن لابد أن يؤخذ العلم من أصوله وعلى قواعده وعن أهله، ولا بد أن يثبت وينمى بالعمل الصالح على طالب العلم. أيضا أن يخلص النية لله عز وجل في طلبه للعلم، ولا يطلب العلم للرياء والسمعة، ولا يطلب العلم ليقال هو عالم، أو يطلب العلم للدنيا وللوظيفة الدنيوية، فإنما يطلب العلم لوجه الله عز وجل. C'est également c'est important. Il convient donc pour l'étudiant en science d'appliquer premièrement ce qu'il a appris, et ensuite apprendre aux autres comme cela est venu dans le hadith. Quand l'homme meurt, toutes ses œuvres elles s'arrêtent, sauf trois. Sauf trois choses. Une aumône continue, une science dont les gens tirent profit, ou bien un enfant pieux qui invoque en sa faveur. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد صالح ما قال ولد وسكت. وزكريا عليه السلام نفس الشيء، كما في سورة آل عمران ذرية طيبة، ما قال ذرية وسكت. Ici le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit un enfant pieux, il a pas dit un enfant il s'est tué. Et d'autres comme Zakaria alayhi salam dans surat Ali Imran, lorsqu'il a demandé à Allah azza wa jal de lui octroyer une descendance, il a pas dit une descendance il s'est tué, il a dit une descendance pieuse. Et la meilleure chose des trois qu'on a cité, parmi une aumône continue, une science dont les gens tirent profit, et un enfant pieux qui invoque en sa faveur, la meilleure chose des trois est la science que les gens tirent profit. Car l'aumône, son temps, il peut s'interrompre. Et il se peut qu'elle tombe en ruine. Et l'enfant pieux, lui, va mourir. Il mourra. Tandis que la science de celui qui la propage, elle continuera à faire profiter les gens. Tant qu'elle a été exploitée par ses élèves et dans ses livres. Regardez l'imam al-Nawawi ou d'autres grands savants, rahimahumallah. Regardez, ils sont morts depuis des centaines d'années. Et jusqu'à aujourd'hui, on cite leurs noms et on cite leurs livres. Tout cela parce que ce sont, comme les savants ils disent, comme l'imam al-Nawawi, ces livres ils sont acceptés dans les quatre coins du monde, par tout le monde. Même les gens de l'innovation, Ahl al-Bida', ils prennent de ces livres. Tout simplement parce que Wallahu A'lam, c'était une personne qui était sincère dans la recherche de la science. Sincère lorsqu'il recherchait la science et sincère dans le fait de la propager. L'imam al-Nawawi rahmatullah alayhi, il a dit « Makastu thalatha sanawat wa la adha' jismi 'ala al-ard anam wa ana jalis. » Makastu thalatha sanawat wa la adha' jismi 'ala al-ard anam wa ana jalis. Il a dit « Je suis resté 3 ans et je n'ai pas posé mon corps par terre. Je dormais assis. » Tout ça parce que il portait de l'importance à la science. Le temps, il passe vite. Les mois, ils passent comme des semaines. Les années, elles passent comme des mois. Les mois comme des semaines, les semaines comme des jours. Et nous, on reste dans cette insouciance. Cet imam-là, Al-Nawawi, rahmatullah alayh, et d'autres, mais l'imam Al-Nawawi, il participait à 12 cours de la journée, il mangeait qu'une seule fois. Et parmi ces 12 cours, il apprenait dans le hadith, dans le fiqh, dans la langue arabe, l'orat al-arabiyya. Aïna nahnu minhum. Où sommes-nous, nous, aujourd'hui? Et dans la science, il y a la bénédiction et tout le bien. Mais si elle est prise chez les savants, en commençant par ses bases et ses fondements, il y aura encore plus de bien. Et également, pour citer une chose qui est très importante, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Un verset qui est important, qu'on n'a pas cité. Certes, Allah élèvera en degré ceux parmi vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Et wallahi, c'est une chose qui est présente, qu'on voit tous les jours. Allah Azza wa Jal, certes, a élevé les gens de science en degré. Regardez, des personnes qui sont présentes à l'époque de Ibn Taymiyyah, par exemple, parmi les gens d'innovation, ou parmi les empereurs ou les princes, lorsque des personnes les citent, ils disent même pas Rahimahullah. Alors que Cheikh al-Islam, ils disent Naiman Rahimahullah. Le premier réflexe qu'on a lorsqu'on entend des grands savants comme ces imams, A'imatuddin, Cheikh Abdelaziz Ben Baz, Cheikh Mohamed Salah al-Uthaymin, Din al-Albani, Rahimahullah, on dit tout de suite qu'Allah leur fasse miséricorde. Les grands savants qui ont donné tout leur temps pour la science. Ça aussi, ça fait partie des choses par lesquelles Allah Azza wa Jal, il élève en degré ces personnes-là. Également, l'étudiant en science, il doit avoir une intention qui est pieuse, on a dit. Inna ma l'a'malu bin niyat, wa inna ma li kulli mri'in ma nawa. Les actes ne valent que par les intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. Lorsqu'il recherche la science, il ne doit pas l'apprendre par ostentation ou en recherchant, comme on a dit, les éloges. Et comme le poète a dit, Al-thana'u tabi'atu l'insani. Le fait de rechercher les éloges, ça fait partie de la nature de l'homme. Ça, c'est une chose à enlever chez la personne. Chacun d'entre nous. Surtout que nous sommes des petits étudiants. On vient d'apprendre. On vient de commencer dans la science. Nous sommes des personnes qui sont débutantes dans la science. Chacun d'entre nous, il doit vérifier lorsqu'il apprend la science, lorsqu'il l'enseigne, lorsqu'il fait profiter les gens de ce qu'il a appris. Il faut qu'il regarde pour qui fait-il tout cela, qu'il l'apprenne seulement pour Allah Azza wa Jal, et il ne l'apprenne pas pour ces choses qu'on a citées ou bien pour avoir un travail dans cette vie mondaine. Encore Alhamdulillah, ici en France, pas des choses qui sont présentes en majorité, contrairement dans les pays arabes. Lorsque la personne apprend la science, certains apprennent la science que pour avoir un diplôme et pour avoir un travail. Il n'y a pas de mal à avoir un travail. La personne doit gagner sa vie, mais elle ne doit pas apprendre la science seulement pour ça, pour avoir un travail. Alors que dans les pays musulmans, comme dans les pays du Golfe, comme on a dans les pays du Golfe, les mosquées, les imams des mosquées, sont payés et n'ont rien à payer. Ils ont une maison, ils ont pas de loyer, ils n'ont pas d'électricité, d'eau à payer. Et ça, certaines personnes ont des intentions qui sont malsaines, en disant qu'ils veulent faire des efforts pour rechercher la science afin de pour être tranquille ensuite. Travailler comme imam, il n'y a pas de mal que tu travailles pour imam, que tu travailles imam. Le meilleur travail que tu peux avoir dans cette dunya, c'est le travail d'imam. C'est le travail d'imam, parce que tu gagnes du hajr, tu gagnes de la récompense des hasanat et tu gagnes de l'argent. c'est le meilleur travail que tu peux avoir dans cette dunya. Mais ici, on dit que la science, elle ne doit pas s'obstenir. Donc, tu dois pas la rechercher que pour vouloir travailler, pour un travail précis, comme travailler dans des universités ou travailler dans des centres religieux. Donc, il doit apprendre pour le visage d'Allah Azza wa Jal. Et pour terminer, qu'on va rappeler, et qui aurait pu être cité au début du cours, qui est le comportement du demandeur de science, qui a des règles de bienséance à connaître et appliquer pour chaque musulman. Et ceci, ces règles-là, Cheikh Salah bin Fawzan al-Fawzan, hafidhallahu ta'ala wa ra'ah, il les a cités dans l'explication du hadith Jibril alayhi salam, ce grand hadith que les savants citent comme la mère de la sunna, comme surat al-Fatiha, ils disent, la mère du Coran. Ici, la mère de la sunna, parce que toute la sunna entière, elle revient à ce hadith. Parce qu'il y a l'explication des piliers de l'islam, l'explication des piliers de la foi. Qu'est-ce que l'ihsan, la vertu, et quelques renseignements, quelques informations sur les signes de la fin de l'heure. Ce hadith-là, il explique la sunna. Et lorsque Omar ibn al-Khattab, qui est le rapporteur du hadith, explique dans le hadith, où il dit qu'un homme était venu avec des habits très blancs, resplendissants, que personne d'entre nous ne le connaissait. Il est venu avec des vêtements très blancs, et personne d'entre nous ne le connaissait. Et personne d'entre les compagnons le connaissait. Alors que c'était une personne en voyage, et il n'avait aucune trace de poussière sur lui. Et c'est connu surtout à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les voyageurs étaient poussiéreux. Mais il n'a aucune trace de voyage sur lui et il ne fait pas partir des mu'atini. Al-mu'atin, ce n'est pas un local, ce n'est pas une personne du pays. Et ils ne l'avaient jamais vu auparavant, cet homme. Ils ont su à la fin du hadith que c'était Jibril alayhi salam qui était venu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est Jibril qui est venu vous apprendre votre religion. Et c'est cette personne-là, Jibril alayhi salam, cette personne qu'eux ne connaissaient pas au début, elle est venue avec des vêtements très blancs. كما ذكر عمر بن الخطاب شديد بياض الثياب يعني من النظافة ويقول شديد سواد الشعر يعني في صورة جميلة وفي هذا ذكرنا دليل على أن طالب العلم حينما يحضر إلى مجلس العلم ينبغي له أن يتجمل وأن يأتي بصورة نظيفة جميلة لأن جبريل هنا في هذا الحديث جاء معلما ومتعلما ومن ذلك أنه علمهم كيف يأتون إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم لأن مجلس العلم مجلس وقار ici dans le hadith il est mieux avec des habits avec des vêtements très blancs. Et cela, ça veut dire qu'il était très propre. Ça prouve quoi ici? Ça prouve la propreté. L'étudiant en science, il doit être propre. Celui qui recherche cette science religieuse, il doit venir avec une belle image, une belle apparence. Parce qu'ici, il a dit qu'il avait des cheveux très noirs. Et ça, ça prouve qu'il est venu avec une belle apparence. Il avait des cheveux très noirs et des habits très blancs, resplendissants. Et c'est une preuve dans ce hadith que l'étudiant en science, qu'il convient pour lui, lorsqu'il participe à des assemblées, de s'embellir, de se faire beau, et de venir avec une belle apparence propre, car Jibril, on l'a cité, est venu enseigner et apprendre dans ce hadith. Il est venu apprendre aux compagnons comment doit-il être, comment doivent-ils venir, comment doivent-ils être lors des assemblées avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'étudiant en science, il doit se faire beau, on a dit, et se préparer dans son apparence. وثانياً هذا أول شيء. ثاني شيء أنه يجلس أمام المعلم مقبلا عليه ليتلقى منه العلم ولا يعرض عنه أو يلتفت أو يمزح أو ينشغل بل يكون مقبلا على المعلم بجسمه وبفكره لئلا تفوته فرصة التعلم. La deuxième chose qui est très importante également ici, c'est qu'il doit s'asseoir devant son professeur. Il doit s'asseoir devant le savant. Et il doit se tenir droit. Il ne doit pas se détourner de lui. Il ne doit pas rigoler et s'amuser lorsqu'il recherche la science religieuse. Il ne doit pas s'amuser avec les autres pendant le cours. Il ne faut pas qu'il soit distrait, mais plutôt qu'il se mette en face de son professeur. Comme on l'avait cité, qu'il se mette face à lui physiquement et moralement. Ça ne suffit pas qu'il soit face à lui physiquement, que sa tête aille ailleurs. Physiquement et moralement face à son professeur, pour pas qu'il ne puisse perdre les bénéfices du cours qu'il va en tirer avec son professeur. Également, une chose qui est très importante pour l'étudiant en sciences, c'est de noter les bénéfices du cours qu'il pourra en tirer. Parce qu'il se peut qu'il profite lorsqu'il est dans des assemblées de sciences, au moment où il écoute des rappels, au moment où il apprend sa religion. Mais si on le questionne un ou deux jours après, il ne saura pas répondre. Parce que l'homme oublie. Et le fait qu'il écrit, le fait qu'il note les bénéfices du cours, il pourra ensuite, réviser ce qu'il a appris. وقال أيضا قال فأسند ركبتي إلى ركبتي يعني أسند جبريل ركبتي إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم مقابلا له وقريبا منه وفي هذا أن طالب العلم يقرب من المعلم لتكون الفائدة متصلة أما البعيد فإنه قد لا يسمع وإذا سمع قد لا يستوضح الصوت فإذا كان قريبا فإنه يسمع ويستوضح الصوت تماما وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقربون منه وقت تلقيهم العلم عنه صلى الله عليه وسلم. Ici, il dit une chose qui est très importante également, ce rapporteur, le deuxième calife de l'islam, Al-Farouq, Omar ibn al-Khattab, رضي الله عنه. Il dit, il place à ses genoux contre les siens. Cela veut dire que Jibril, alayhi salam, il a placé ses genoux. Cet homme avec cette apparence étonnante, a placé ses genoux face aux genoux du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et proche de lui. Et ça nous apprend une chose, que l'étudiant en science, il doit se rapprocher de son professeur, pour que les bénéfices qu'il tire des cours puissent lui parvenir. Car celui qui est loin, il se peut qu'il n'entende pas, comme celui qui est proche. Il n'entend pas, et même s'il entend le son, il ne sera pas clair comme la personne qui est proche, présente en face de son professeur. Et celui qui est proche, il entend, il comprend les paroles correctement. Et les compagnons, lorsqu'ils s'assiedaient vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils s'assiedaient le plus proche possible pendant les cours. وقال أيضا ووضع كفيه أي ووضع جبريل كفيه على فخذيه أي على فخذي جبريل عليه السلام. وهذا فيه أن المتعلم ينبغي أن يكون بصورة هادئة مؤدبة ولا يكثر من الحركات أو من الالتفات أو من الشواغل التي تشغله عن تلقي العلم. Ensuite, Jibril, il posa les paumes de ses mains. Jibril, il posa les paumes, cet homme-là, avec cette apparence étonnante. Il posa les paumes de ses mains sur ses cuisses. Il posa les paumes de ses mains sur ses cuisses. Ça aussi, il y a un dalil, il y a une preuve ici aussi, qui prouve que celui qui apprend la religion, il doit s'asseoir d'une manière respectueuse et disciplinaire. S'asseoir d'une manière respectueuse et disciplinaire. Et qu'il ne fasse pas des, comme on dit, des petites manières ou des choses qui vont déranger dans la quête de la science, lorsqu'il va rechercher la science religieuse. ثم هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه أنه إذا جلس وطمأن فله أن يسأله. جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أول شيء يجلس ويكون يعني مطمئن ثم يسأل ولا يسأل أول ما يأتي وإنما يجلس أولا متأدبا ثم يسأل تأدبا ثم يسأل. هذه صفة طالب العلم وهذه آداب طالب العلم. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحقيقة عالم بالجواب، لكنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أصحابه، وهذا فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب، لأنه أنبه للذهن. فيسأل الطالب أول شيء ثم يجيب من أجل أن يتنبه. أما إذا ألقيت عليه العلم ابتداء فإنه قد لا يتنبه، فمن طرق تعليم العلم النافعة السؤال والجواب. Ça, c'est la dernière chose à citer qui est également très importante. C'est que dans ce hadith-là, après avoir cité tout ce que cet homme a fait, qui est Jibril alayhi salam, après avoir respecté et appliqué toutes ces règles de bienséance, il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous vous rappelez, la première question qu'il a posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, akhbirni ani l'islam, informe-moi au sujet de l'islam. Il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça nous montre que quand l'étudiant en science, il sait bien, il s'est assis, qu'il est bien, il est, comme on dit, posé, il est tranquille, alors là, à ce moment-là, il peut questionner. Il faut qu'il s'assoie premièrement, il s'assoie d'une manière respectueuse, disciplinaire, et ensuite il questionne. Et ça, c'est une des caractéristiques de l'étudiant en science, et c'est une des règles de bienséance que doit connaître et appliquer l'étudiant en science. Jibril a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en vérité il connaissait les réponses aux questions. Parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit le billet de l'islam, il a dit sadaqt. Il a dit tu as dit vrai. C'est pour cela que tout de suite après, Omar et les compagnons ont dit nous nous sommes étonnés qu'il questionne le prophète et qu'il approuve la réponse. Il connaissait les réponses aux questions, mais s'il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, c'est pour qu'il enseigne aux compagnons les bases de l'islam. Et ça revient à ce qu'on a dit au début du cours, au début du premier cours, que cette religion, cette science religieuse, elle s'obstient en commençant par les bases. Les bases, c'est donc une des méthodes d'apprentissage, également les questions-réponses. C'est une méthode d'enseignement dans l'islam. Toi, si tu poses la question à une personne et que tu lui donnes la réponse directement, elle va être plus attentive. Lorsque tu questionnes une personne et que tu lui donnes la réponse, elle sera plus attentive à ce que tu veux lui dire, ce que tu veux lui faire comprendre. Tandis que si tu lui donnes la science comme c'est du premier coup, comme certains frères le font, ils donnent la science comme c'est du premier coup, et il se peut que la personne elle puisse pas suivre et qu'elle ne comprenne rien. Surtout si la personne elle parle et elle n'articule pas. Elle parle très vite. Donc parmi les méthodes d'enseignement bénéfiques, ce sont les questions-réponses. Wa sallallahu jalla wa ala li wa lakum علما نافعا وعملا صالحا